Alors, je vous lis ça. C'est moi que vous en passez. C'est Michel Ouimette, le journaliste de La Presse, donc, qui a fait une entrevue avec Pauline Marois avant l'élection. « Demain, les Québécois voteront », écrit la journaliste. Elle sera enfin, Pauline, la première femme premier ministre. Elle en est profondément convaincue. Question de la journaliste à Mme Marois. Est-ce que les femmes ont une façon différente de diriger? Je crois que oui, répond Pauline. Les femmes aiment consulter. Ce qui ne nous enlève pas notre capacité de décider. Et là, la question. Qui tue, comme dirait l'autre, de la journaliste? Les femmes font-elles de meilleures dirigeantes? Meilleures, pas égales. Je veux quand même insister, là. On n'est plus dans l'égalité, la parité, la... Michel Ouimet demande à Pauline, est-ce que les femmes font de meilleures dirigeantes? À ça, il n'y a qu'une réponse possible. C'est non. Nous sommes égales, aussi bonnes que les hommes. On n'a rien à envier aux hommes. On n'a rien, on n'a pas de complexe d'infériorité. C'est la seule réponse possible. Or, ce n'est pas celle de Pauline Marois. Pauline répond, quand on est dit « êtes-vous meilleure », elle répond « je l'espère ». On est davantage capable d'accepter nos erreurs, de les reconnaître, ce qui nous permet de rectifier le tir quand il y a des ajustements à faire. Les hommes... Ça, c'est moi qui rajoute des effets sonores. C'est de la ponctuation. Là. Je ne sais pas si elle a vomi, je pense pas. Mais c'est moi qui rajoute ça. Là. C'est pas elle, il faut que je sois honnête. Les hommes ont tendance à croire qu'ils ont toujours raison. D'admettre que c'était pas le bon choix, c'est dur pour leur ego. Madame Marois rit, ça c'est écrit dans le texte. Oui, les hommes ont de gros égos. Là, Michel Ouimet, pour être bien sûr, plus gros que les femmes? Ah oui, définitivement oui. Nous ne sommes plus dans l'égalité homme-femme. On est dans la suprématie, là. On est dans le power femelle, l'expression que tu détestes, José, mais que désormais, tu peux plus t'ostiner que moi, ben. Hein? Je sais que tu l'aimes pas, mais là, Marois répond clairement. Nous sommes, elle a dit, je l'espère, meilleurs que les hommes. Je dis pas qu'on, j'ai juste rectifié quelque chose, là. Je vais t'ostiner encore longtemps, parce qu'on n'est pas une société de power femelle, comme tu dis. Dans un cas, quand tu lis l'article de Pauline Marois, là, on peut l'attribuer. Parce que là, elle a fait la démonstration pour elle. Mais elle, c'est le problème qu'elle a aussi, c'est qu'elle généralise. Il y en a des hommes d'affaires qui consultent. Il y en a des hommes d'affaires qui n'ont pas d'ego. Puis de toute façon, avoir un ego, là, c'est un défaut, ça, avoir un ego, puis avoir de l'orgueil, puis... Moi, ce que je déteste, et j'ai toujours combattu ça, puis je vous dis pas que j'ai pas déjà tombé dans le piège, OK? Moi, là, laisser tout dé, là. Je suis plus capable de laisser tout dé. Je pense à ça tantôt. On peut-tu s'enlever ça du vocabulaire, c'est tout dé? Tu sais, les gens, quand ils parlent d'autres ethnies, ou d'autres races, ou les gens qui travaillent pas, ou les BS, ou des... Arrêtons donc de dire c'est tout dé. C'est pas vrai que c'est tout dé. Il y a des étudiants qui ont été violents. Il y a des gens, des Québécois de toutes les races qui ne veulent pas travailler le matin. Il y a des femmes qui se prennent pour d'autres, qui se sentent supérieures. Il y a des hommes qui ont des gros égos puis qui se pensent. Il y a des. Mais pas c'est toutes des. C'est ça. Et moi, quand je fais des, si je fais une erreur ou si quelqu'un, on se le fait remettre sur le caquet, c'est pas trop long et avec raison. Pourquoi Marois a-t-elle le droit de dire ça? Pourquoi elle peut dire, je l'espère qu'on est meilleur? Les hommes ont des gros égos. Les hommes ne consultent pas, ils sont pas capables d'admettre qu'ils ont tort. Nous, les femmes, on est meilleurs. Mais c'est insultant! Pas pour moi! Je pousse pas avec elle, je suis pas dans son camp! Bernard Drainville. Mais il est où, Bernard, un matin? On peut-tu l'appeler? C'est quand qu'il se fait castrer? Il attend quoi pour demander l'opération? Puis porter des jupes? Bernard Drainville est un gars qui a un gros égo. Elle l'a dit, là. Définitivement, les hommes ont des plus gros égos que les femmes. Si Marois nomme Drainville un poste de ministre, c'est une erreur. Non, mais... Parce qu'il a un gros égo, il décide pas, il admet jamais ses erreurs, il consulte pas. Mais elle fait quoi des Bernard Landry, Parizeau, Lévesque? René Lévesque doit s'en virer dans sa tombe. Ça aurait dû être Lise Payette. Qu'est-ce qu'on a fait avec Landry puis Parizeau? Ça aurait dû être Louise Arel puis Louise Beaudoin. Mais c'est-tu que comment c'est dommage? Ça se fait que le PQ a eu des hommes mais comme dirigeants? C'est là encore qu'on voit l'égalité homme-femme, là, quand t'es obligé de jouer à c'est moi le meilleur. Tu sais, moi, quand je suis dans l'autobus, là, au primaire, on jouait ça, les filles sont meilleures que les gars sont meilleurs que les filles. Là, on est rendu en 2012, là. T'as plus besoin de le dire, t'as plus besoin d'essayer de gagner cette joute-là. Moi, j'ai tellement hâte au jour où on dira, on a une femme première ministre. Ouais, pis... parce que moi, je m'en sac. Elle peut être très bonne, Pauline. Regarde, ça se peut qu'elle soit excellente. Je m'occupe pas de ça, moi. Mais il faut dire qu'on a un bon chef de province, un bon chef. Tu sais, c'est ça, dans le fond, là, qu'il faut dire. 670-9330. C'est assez insultant. On est dans une province qui a de la misère avec les garçons à l'école, qui décrochent, qui ont plus confiance. C'est les filles, désormais, qui sont mises à l'avant partout. On a certaines facultés où c'est femmes à 80%, médecine, droit, partout. Ça me fait penser un peu à Cora, dans le temps, qui avait dit que si c'était à le refaire, elle engagerait juste des femmes pour travailler dans ses restaurants. T'en souviens-tu? Ouais, oui. Ça avait créé une petite polémique. Pourquoi Mme Marois a pas dit, ben non, on n'est pas meilleur. Mais attention, on n'est surtout pas inférieur. Si elle avait dit ça, bravo, c'est ça qu'il faut dire. Pas meilleur, mais surtout pas inférieur. On n'a rien envié, puis on est capable de diriger la province. Ben oui, ben oui. Puis elle aurait pu dire, ouais, mais êtes-vous plus si légaux? Ben, sais-tu quoi, ce qu'elle aurait pu répondre? Pff, ça n'a rien à voir. On a peut-être certaines affaires de... Dans certains domaines, on excelle peut-être mieux. Mais dans d'autres, on excelle peut-être moins bien. Puis encore là, ça dépend de la femme puis de l'homme. Tu sais, en général, peut-être qu'il y a des domaines où on est meilleur. C'est pas pour rien que dans il y a plus de femmes infirmières puis éducatrices en garderie. Peut-être que les enfants, hein, tout ça. Non, non, on a chacun nos domaines de compétences. Ouais, puis quand mais il s'agit grosso modo, de leadership, là, pense à la madame du mouvement Desjardins, là, madame Leroux, là. Es-tu meilleure qu'un homme? Es-tu se pavane-tu en disant les femmes sont meilleures que les hommes? Mais quel message que ça envoie de la part? Je m'excuse, là. C'est la première ministre de la province, de tout le monde. Puis elle s'en vient dire à la question « Les femmes sont-elles meilleures? » Je l'espère. On a demandé, on a-tu la cote de François Gendron? Hier, j'ai demandé, mais de ce temps-ci, ils sont tout à off, les députés péquistes, là, parce que c'est un peu normal, c'est la première semaine, ils font attention. Le seul qu'on a rejoint, c'est le doyen François Gendron. Je sais pas si on est en mesure de faire entendre sa cote. Je suis pas sûr qu'ils m'entendent, là, l'autre bord. Je sais que Mathieu Boisvert en a rejoint un, parce que mon idée, c'était d'y rejoindre toutes. Tu sais, t'appelles les meilleurs du PQ, là. Au-delà de toute partisanerie politique, les kings du PQ, c'est, mettons, Stéphane Bergeron, Stéphane Bédard, Bernard Drainville, Jean-François Lisée. Je sais, c'est les gens les plus en vue. Tu le lis ça, tu dis, hey, méchante claque d'en face. T'as une claque d'en face, Jean-François Lisée? Elle vient de te dire que si elle te nomme ministre, là, c'est parce qu'elle a pas de femme à ta place. Si elle avait une femme, c'est sûr qu'elle prendrait ta place. La femme a pas d'ego, la femme consulte, la femme avoue ses torts, la femme... Mais pourquoi plus... toujours jouer l'antagoniste, les oppositions? Parce que c'est pas dans le texte, mais à chaque fois qu'elle dit « la femme a », c'est « mieux que ». Mais de mieux toute façon, que. Pourquoi nous opposer parler. Hein, laisse-toi aller, puis laisse les gens décider aussi. Là. Et pourquoi aucun journaliste l'a challengé là-dessus? J'en viens souvent sur ce... Non, là, je radote, mais vous le savez. Pourquoi il n'y a pas un qui a mis ça en face? Madame Marois, vous êtes entourée d'hommes, là. On est encore la moitié de la population, maudite marde. On n'est pas des innocents, zone. Pourquoi vous dites que vous êtes meilleur? Pensez... Mervis, ça te barre encore. Ouais. Interroge François un homme. François Legault. Check bien ça, je le fais. José, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais je te vois venir. La même affaire. Au lieu de Michel Ouimet, Patrick Lagacé interroge François Legault. Monsieur Legault, est-ce que les hommes ont une façon différente de diriger? Je pense que oui. Les hommes, on consulte plus, puis on est capable de décider, puis on n'hésite pas, nous autres. Est-ce que les hommes font de meilleurs dirigeants? Je l'espère. On est davantage capable d'accepter nos erreurs, on a plus de leadership, on a du courage, puis quand arrivent des événements, on ne choque pas, puis on est meilleur, puis on pisse debout, puis nous autres, on est là 4 semaines par mois, mais on flanque, on a plus... Il est mort! Et ça, tu quoi, avec raison? J'aurais été le premier à dire, débarque de là, pas d'affaire là, les machos de même, dehors, t'as chez vous. T'es d'accord? Oui. Mais là, j'ai pas bien exagéré, là. Je vais aller plus loin. Imaginez Charest qui dit les hommes, j'espère qu'ils sont meilleurs. Oui. Pourquoi Marois a le droit? Pourquoi? Je vais aller plus loin que ça encore. Peut-être que vous avez trouvé que j'exagère. C'est qui a de la difficulté actuellement, là? C'est les jeunes garçons. Là, les jeunes garçons, là, ils entendent ça. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Ils ont besoin de leur dire, hey, vous êtes capable d'être aussi bon que les filles à l'école. Continuez, persévérez, lâchez pas, les gars. Mais tu sais, ça rentre dans la tête indirectement, là. Marois, le petit gars glissouille. Marois, elle dit, les femmes sont meilleures. Puis surtout, il s'aperçoit que tout le monde accepte ça dans la société, à part moi. Mais bon, ça va me valoir encore de me faire traiter de tout et non, mais j'assume. François Gendron, député péquiste, c'est le doyen de l'Assemblée nationale, puis c'est un gars. Qu'est-ce qu'il pense de Marois qui dit « J'espère que les femmes sont meilleures ». Monsieur Gendron, avez-vous l'impression que c'est un cabinet où il va être difficile de se tailler une place si on est un homme? Non, Non, parce que moi, je connais assez très bien Mme Marois. Elle a bien fait de dire ça, mais je suis convaincu que le premier critère pour former un cabinet demeure la compétence. Et Mme Marois va en tenir compte. Par contre, l'équilibre homme-femme, nous, on veut le pratiquer, puis on veut le souhaiter, parce que c'est de plus en plus légitime et normal. Et la sensibilité féminine, moi, pour avoir eu des cabinets à majorité féminin, j'endosse ça pleinement. Moi, j'ai toujours adoré dans mes cabinets d'avoir pas mal de femmes, parce que ça donne un point de vue un peu plus différent. Mathilde, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a de l'ouverture, de la souplesse, puis il y a une espèce de tact particulier. Là. Mais c'est particulier aussi de voir Mme Marois dire « les femmes font peut-être même de meilleures dirigeantes que les hommes ». Oui, non, mais que je suis là, c'est pas grave. Elle a le droit d'émettre une opinion dans ce sens-là. Oui, je me dis, ça doit être plate pour des gens qui se sont présentés en politique, comme, je sais pas moi, M. Duchesne, mettons, qui arrive, là. Il dit, ben, peut-être que j'aurai une chance de rentrer au cabinet. Ouais, mais là, si là-bas, ça pense que... Non, là, vous le prenez trop à ce qu'on appelle pro domo, là. On peut prendre ça au premier, au troisième degré d'attraction. Oh, oui, patine, lève tes hosties de patin! Patine! Oh, là, faut pas le prendre au premier degré, il veut dire, c'est pas... Hey, ça peut être plus clair que ça, maudite man? Les femmes sont-elles meilleures? Je l'espère. Puis là, à l'énumère, on est meilleur là-dedans, meilleur là-dedans. Steve, bon matin, au téléphone, 670-9330. Qu'est-ce que vous en pensez? Steve, salut. Allô, ça va? Yes, je t'écoute. OK, moi, ce que je considère, là, je trouve qu'elle a un complexe d'infériorité, puis elle essaie de le surmonter, tout simplement, parce que partout où je vais, n'importe où que je suis allé travailler... J'ai jamais entendu dire une femme, ouais, mais moi, je suis bonne, ouais, mais moi, ils n'essayent pas de se valoriser. Ils sont bonnes, c'est que ce soit un homme ou une femme. Si elle est bonne, elle a le poste, etc. Il n'y a plus de chicane de dire, ouais, mais moi, je suis une femme, puis faites-moi une place, puis, ah, mais, tu sais, c'est complètement ridicule. La seule personne que je vois faire des conneries comme ça, c'est la Marois. Ouais, vous avez tellement raison. Une femme, là, ça c'est ce qu'elle aurait pu. On est dans la guerre des sexes. Elle aurait tellement pu répondre. Aimez-moi la guerre des sexes, les comparaisons hommes-femmes. Écoutez-moi, madame la journaliste. Savez-vous quoi? Autour de moi, tout ce que je vois, c'est des compétents ou des incompétents. Puis moi, je vais essayer de mettre tous les compétents autour de moi, puis essayer de tasser. Qu'importe s'ils sont en jupe ou un pantalon, je m'en fous de ce qu'ils ont entre les jambes. Je vais m'occuper de ce qu'ils ont entre les oreilles. C'est-tu clair? Entre les oreilles, pas entre les jambes. Elle aurait tellement pu faire avancer. Puis maintenant, elle est tombée là-dedans. Puis en way, on est meilleur. Mais de toute façon, Pauline Marois, la seule façon qu'elle réussit à se faire élire, c'est un, en essayant d'attirer les séparatistes, deux, en essayant de fermer la gueule aux étudiants, puis trois, en disant, hey, les femmes, réveillez-vous, moi, je suis là, je vous représente. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas rapport. C'est beaucoup du clientélisme. Merci, Steve. Ben, c'est ça, elle essaie de s'attirer, puis c'est encore les enfantillages. De toute façon, elle a tout démoli. Quand elle était dans finance, elle a tout démoli. Quand elle était dans santé, elle a tout déboîté. Puis quand elle était dans réforme... On verra ce qu'elle va faire dans l'avenir. Merci, Steve. Je veux pas que tu te refasses son procès du passé. Là. Les gens l'ont élu, ils ont dû y trouver des qualités. Vous avez le droit. C'est elle qui est la première ministre. Mais c'est pas anodin. Et je comprends pas qu'aucun média, à part la FM 93 ici, n'a noté ça. Ça veut dire quoi? Hey, Michel Ouimet, elle a élu dans la presse. Ça veut dire que tous ceux et celles, intello, médias, commentateurs qui ont lu ça, soit qu'ils l'ont accepté, soit qu'ils ont tellement eu peur de se faire traiter de macho pis ça, qu'ils ont fermé le gueule. Ça peut, ou sont d'accord. Sont soit d'accord, ou ils ont à chienne. Parce que tu peux pas lire ça et faire comme, hein, Pauline Marois dit, j'espère qu'on est de meilleurs dirigeants. Oh, ça veut dire que le Québec est actuellement gouverné par des incompétents, parce qu'il y a une majorité d'hommes. Et même le PQ, c'est comme si Marois disait, désolé, mais on vous offre pas ce qu'il y a de meilleur. Je vais mettre des hommes au Conseil des ministres, parce que j'ai pas le choix. Si j'avais plus de femmes, je mettrais toutes des femmes. D'ailleurs, elle l'a dit, elle souhaite une majorité de femmes au Conseil des ministres. Donc, c'est donc un aveu d'échec. Malheureusement, il y a pas assez de femmes. Fait qu'elle va être pognée avec des hommes. Pognée avec ça. Elle va dire, non, ils sont très compétents, inquiétez-vous pas. J'espère, quand elle va nommer son conseil des ministres, qu'il y a un journaliste assez brillant, assez courageux à l'Assemblée nationale pour mettre sa carte de syndicat de côté, son jupon péquiste qu'il laisse à la maison, puis qu'il dise, Madame Marois, vous venez de nommer au conseil des ministres 20 hommes. Vous aviez dit en entrevue que les femmes étaient de meilleures dirigeantes. Qu'est-ce que vous venez de faire, là? Expliquez aux Québécois. Pourquoi, là? Vous êtes pogné qui, là?